bienvenue dans la 69e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, salut la tribu, c'est Spike qui débarque dans votre salon et vous êtes bien dans la Vampire Freak, c'est le numéro 69. Merci pour tous vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission. Merci pour les likes, encore 15 cette semaine, merci, ça me touche beaucoup. Continuez comme ça, et de toute façon, cette émission, c'est pas la mienne, c'est la vôtre. On commencera avec Roots, Bloody Roots de Sepultura. C'est sur l'album Roots, en double CD, leur 6e album sorti le 20 février 1996. On retrouve Attitude, Cutthroat et Dictatorship, entre autres. C'est le dernier album avec Max Cavalera au chant, qui fonda après par la suite Soulfly. On continuera avec une nouveauté, Burnout de Dead Acid People. C'est sur l'album Mocker Feather, sorti il y a 15 jours. On retrouve Ashes, Blood Red Tide et Burning Man, entre autres. Un excellent groupe français de trash. Allez sur la page Facebook de Dead Acid People. Ils ont aussi une page Bandcamp. Je mettrai les liens sur la page Facebook de l'émission. On poursuivra avec Phobia de Creator. C'est sur l'album Outcast, leur 8e album, sorti le 22 juillet 1997. On retrouve Forever, Nonconformist et Alive Again, notamment. Un album qui vieillit bien et ils sont en tournée en ce moment et peut-être un album pour l'année prochaine, enfin on verra. On continuera avec un grand classique, Another Life de Iron Maiden, c'est sur l'album Killers, leur 2e album sorti le 2 février 1981. On retrouve White Child, Murders in the Rue Morgue et Twilight Zone, un classique de chez classique. Et on finira ce bloc en live avec Sur les Sentiers de la Gloire de Los Tres Puntos, c'est sur l'album 10 Enfermes, qui est sorti le 6 février 2006. On retrouve Perpetua, La Chaleur de Voix et Métro Boulot Dodo. À la base, ce titre sur les Sentiers de la Gloire, c'est de Ludwig von 88. En ska, ça arrache le bitume. Oh!

Vous êtes toujours dans la 69e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bon bloc là pour commencer. Roots, Bloody Roots de Sepultura, le nouveau Dead Acid People, Burnout. Allez faire un tour sur la page Facebook de Dead Acid People, un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. Phobia de Creator, Another Life de grand classique de Iron Maiden et on a fini en live sur les sentiers de la gloire avec Los Tres Puntos. On poursuivra avec une autre nouveauté, Children of Hate de Evolution. C'est aussi le titre de cet album, sorti fin 2015. On retrouve The Call, The Exodus and Balls of Steel, entre autres. Ils sont Saint-Just-à-Rambert dans la Loire. Allez faire un tour sur la page Facebook de Evolution et je vous filerai les liens sur la page Facebook de l'émission et c'est un excellent album. On poursuivra avec Don't Split the Gem de Infectious Groove. C'est sur l'album Sarcipius Arc, leur deuxième album sorti le 2 février 1993. On retrouve Turtle Wax, The Man Behind the Man et une super reprise d'Immigrant Sound de Led Zepp. On poursuivra avec Damaged Soul de Black Sabbath. C'est sur l'album 13, leur 19e album, enregistré le 10 juin 2013. Il marque le retour de Ozzy Osbourne au chant après le décès de Ronnie James Dio en 2010. On continuera avec Leave Me de The Beatdown, c'est sur l'album Walking Proud sorti en 2012. On retrouve Long Road, Back to Stay et Demain Jamais. J'aime leur ska au Beatdown, découvert grâce à mon pote de Montréal, le camarade B de la Skoy Punka, des becs à mon cousin et meilleurs vœux. Et on finira ce bloc en live avec Rammstein et Du Hast. C'est sur l'album Zensur, leur deuxième album sorti le 21 août 1997. Ça rajeunit pas. Hein. On retrouve Tyr, Engel, Spiel mit mir, Alterman et plein d'autres. Un excellent album. Watch out, they'll slip. Give me some tips. And put some action to your plan. We'll be right back. We'll be right back. Vous êtes toujours dans la 69e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un super bloc là. Children of Hate, le nouveau Evolution. Allez faire un tour sur la page Facebook. Don't Split the Jam de Infectious Groove. Damaged Soul de Black Sabbath. Leave Me de Beatdown. Et on a fini en live avec Du Hast de Rammstein. En live donc. On retrouve aussi Du Hast dans le film Ohai. On continuera avec Wake Up de Forbidden. C'est sur l'album Distortion, sorti 21 octobre 1994. On retrouve Hypnotized by the Rhythm, Rape et All This. Un bon album qui vieillit pas trop mal. Un grand classique, Chips and Glasses de ZZ Top. C'est sur l'album De Guello, leur sixième album des Texans, sorti le 27 août 1979. On retrouve I Thank You, I'm Bad, I'm Nationwide et Hi-Fi Mama. On poursuivra avec une nouveauté, Evil Twins, le nouveau Anthrax. C'est sur l'album For All Kings, sorti le 27 février 2016. On retrouve Monster at the End, Old Emptives et Suzerain, entre autres. On poursuivra avec un autre grand classique, Jumbie Jamboree de Peter Tosh. C'est sur une compilation, The Twist Heartbeat, sorti en 1996. On retrouve Magadog, Making Love et No Sympathy. Et on finira ce bloc en live, avec No Remorse de Metallica. C'est sur l'album Kill Em All, leur premier album sorti le 25 juillet 1983. On retrouve The Four Horsemen, Jump Into Fire et Seek and Destroy, du son culte. Wake up! Peel the lids back from your eyes, now take a look! Stand up! Spitting in the face of fear! Yeah. scratch your head, the first thing you do when you get up out of bed is hit that streets a running and try to beat the masses. Go get yourself some cheap sunglasses. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! I spied a little thing and I followed her all night in a funky fine Levi's and her sweater's kinda tight. She had a West Coast strut that was sweet as molasses. But what really knocked me out was the cheap sunglasses. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Some thick black frames with the glass so dark they won't even know your name. And the choice is up to you, cause they come in two classes. Rhinestone shades of cheap sunglasses. We'll be right back. Shut up them all. Everybody know why. We'll be right back. Vous êtes toujours dans la 69e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter un bon bloc là. Wake Up de Forbidden, le grand classique Chips and Glasses de ZZ Top, le nouveau Anthrax Evil Twins, une rareté Jimmy Jamboree de Peter Tosh et on a fini le bloc en live avec No Remorse de Metallica. On poursuivra cette émission avec une nouveauté, Rebel Ways, le nouveau Godfather, c'est sur l'album Hipster Fister, sorti en octobre 2016. On retrouve Devil Inside, As the Crow Cries et The Devil Made Me Smoke His Bong. Allez faire un tour sur leur page Facebook, un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. Et je posterai aussi le lien sur la page Facebook de l'émission. Allez, on va continuer avec une petite nouveauté, enfin qui n'est pas une nouveauté parce que c'est les petits pas de Zebda. C'est sur l'album Comme des Cherokees, leur 6e album sorti le 25 août 2014. On retrouve L'Envie à suivre, sûrement un futur générique à suivre. Et Appel d'air, un excellent album, malheureusement passé totalement inaperçu en radio et que j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps. On poursuivra avec un grand classique, So Lonely de Police, c'est sur l'album Outland d'Amour, sorti en 1978. On retrouve Next to You, Can't Stand Losing You, et le grand classique, Roxanne. On poursuivra avec un petit peu de calme, The Lazy Song de Bruno Mars, c'est sur l'album Doo Wops and the Hooligans, sorti en 2010. On retrouve Grenade, Just the Way You Are, et l'excellent Liquor Store Blues avec Diamond Barley. Et on finira ce bloc en live avec une nouveauté. C'est dans ce putain de monde, le nouveau Note Époque. C'est sur l'album Live, l'une des pirates qui vient de sortir. On retrouve John Song, Dominatrice et Nouvelle Fondation. Allez faire un tour sur la page Facebook de Note Époque. Ils ont aussi une page Bandcamp. Vous inquiétez pas, je vous ferai les liens sur la page Facebook de l'émission. We'll be right back. mes bras pour sortir de la mouise. Et du boulet qui entravait mes quilles, pas torturer ma tête, j'ai pris mes chevilles. C'était danser ou être savant, bouger ses jambes ou les voir passer devant. L'une était Clyde et l'autre Bonnie, pour éviter au tempo l'agonie. Des petits pas de danse, des petits pas de danse, funky, des petits pas de danse, des petits pas, des petits pas de danse, funky, des petits pas de danse, des petits pas, des petits pas de danse, funky. Vu tout ce qu'il a fallu que j'enjambe, moi j'ai fait poser mes deux jambes, et pendant des heures, en syncopé, sur Tam la motam, j'ai dansé. On a pris la scène comme on voit le maquis, sans armes mais comme des Cherokees. Et pour se sortir du cachot, pas le choix, fait péter le show. Sur des petits pas de danse, des petits pas, des petits pas de danse, funky, des petits pas de danse, des pas de star, pas de star, funky, des petits pas de danse, des petits pas, des petits pas de danse, funky, des petits pas de danse, des pas de star. Samedi soir, jamais quelqu'un nous a vu nous asseoir. Si c'est debout qu'on danse, le logo n'était pas Made in France. C'est peu dire qu'on a fait un tabac. Dans les bois du fallait rentrer profil bas. Car à l'entrée, ils ont jamais compris que la misère fit la raison d'être funky. Des petits pas de danse, des petits pas, des petits pas de danse, funky. Des petits pas de danse, des pas de star, pas de star, funky. feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it cause I can. Today, I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today, I swear I'm not doing anything. Have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh. putain de monde. Vous êtes toujours dans la 69e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire un bon bloc là. Rebel Ways, le nouveau Godfather, les petits pas de Zebda. On a continué en douceur avec Lonely de The Police. On a poursuivi avec The Lazy Song de Bruno Mars. Et on en finit avec une nouveauté et en live, le nouveau Not Epoch dans ce putain de monde en live. On poursuivra cette émission avec un petit bloc sympathique là. Jenna is Stealing de The Abyssinian, c'est sur l'album Best of The Abyssinian sorti en 1996. On retrouve Crashy Sweeps, Jérusalem et Lego Beast entre autres. Un groupe malheureusement méconnu en France, existant depuis les années 70 et toujours en activité. On continuera avec une autre nouveauté, Rich, le nouveau Alborosi, c'est sur l'album Freedom and Fire, sorti le 20 mai 2016. On retrouve Ken Cool, Rocky Road et Life to Me, un excellent album. Allez, puisqu'on sera dans les nouveautés, une autre nouveauté, My Generation de Hollywood Vampires, c'est sur l'album Hollywood Vampires, sorti le 1er septembre 2015. C'est pas nouveauté, mais c'est nouveau dans l'émission. Il y a pas mal de reprises dans cet album, Raise the Dead, Wall Lotta Love et Gypster, mais c'est un bon album, et Depp à la gratte, ça arrache le bitume aussi. Hein. Et on poursuivra avec Dictature d'Alpha Blondie, c'est sur l'album Elohim, son 12e album sorti en 1999, on retrouve Black Samurai, Les Voleurs de la République, et l'excellente Journaliste en Danger. Et on finira ce bloc avec un grand classique et en live de Clash City Rock. De Clash, c'est sur l'album The Clash, sorti le 8 avril 1977. On retrouve Jenny Jones, Remote Control, London's Burning, un classique de chez Classique. And ruled in righteousness. Jesus Christ is come again. He's come to judge the world. Who sits upon King David's throne? The King of Kings is he. The King of Kings is he. The King of Kings is he. He's come to judge the world in righteousness and truth. So all ye ever laden, come lay your burden down. He's come to judge the world. Believers. In righteousness and truth. Oh yeah, so all ye ever laden, come lay your burden down. My brethren, the lion of the land. open the book and unloose the seas, and rule in righteousness, and rule in righteousness. C'est la fille à gamer. Tell the big guys start to trembler. When your dollar's dropping like in a gambling machine, money don't make you rich. All with your platinum card and luxury cars, money don't make you rich. Cause if your health are fear and your fears get paler, money don't make you rich. And when your trumpet sound and the judgment come, money never make you rich. Me no cherish no vanity, vanity of vexation of soul. So big crib and no family, how you feel live like a dancing galop. Six figures, is this a part of your nice life? When you're not shopping like in a gambling machine, money don't make you rich. All with your platinum card and luxury card, money don't make you rich. Cause you feel that fear and your fears get paler, money don't make you rich. Cause when your trumpet sound and the judgment come, money never make you rich. I sell no bubble paper, me not put me faith in a dollar and wealth. So me not a like skyscraper, I keep my foot on the dirt when me walk. Some of them get rich and switch on a boss. Money don't make you rich. And if you felt that fear and your fears get paler, money don't make you rich. And when your trumpet sound and the judgment come, money never make you rich. You make them go and talk, them coulda never stop the youths, yeah. Whether you're rich or you're poor, Jah Jah be the ever salute, yeah. No, we no pussy, we no hype, we no prank, how you make it in a life. We no fear that your money or your friend or your knife. Don't get surprised. And when you're dollar shopping like in a gambling machine, money don't make you rich. All with your platinum card and luxury card, money don't make you rich. Cause you feel that fear and your fears get paler, money don't make you rich. And when your trumpet sound and the judgment come, money not gonna make you rich. And when your dollar's dropping like in a gambling machine, money don't make you rich. All with your platinum card and luxury card, money don't make you rich. Cause if your health are fear and your fears get paler, money don't make you rich. And when your trumpet sound and the judgment come, money not gonna make you rich. divisé. Pour mieux nous arnaquer. Divisé. Pour régner. Divisé. Pour mieux nous entuber. La carotte et le bâton. Attention au retour de bâton. La paix sociale ne peut se conjuguer que dans l'unité. Le totalitarisme xénophobe mènera à l'adversité. Avec son corollaire de colère généralisée, toutes les atrocités dans la cité. Sans péril, en triomphe sans gloire. Vos lois fébriles nous poussent au désespoir. Je refuse l'exil, car Dieu est ma gloire. Je refuse l'exil, car Dieu est ma victoire. La carotte et le bâton. Attention au retour de bâton. La paix sociale, la paix civile ne peut se réaliser que dans l'unité, dans l'unité, dans l'unité. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fera baisser la fièvre. Cause On vient de se faire un bon bloc Peace and Love là. Jenna Easteling de The Abyssinian, Rich, le nouveau Alborosi, My Generation, le nouveau Hollywood Vampires, Dictature de Alpha Blondie, et on a fini ce bloc en live avec The Clash, City Rockers des Clash. Cette 69e Vampire Fix touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour une 70e spéciale. Je vais faire quelque chose de sympa. 70, c'est pas rien. Je finirai cette émission avec Ship of Fools de The Doors. C'est sur l'album Morrison Hotel, sorti le 9 février 1970. On retrouve Roadhouse Blues, Waiting for the Sun et Peace Frog notamment. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, c'est l'émission radio. À la semaine prochaine, et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à tous et toutes, la tribu! 16. The human race was dying out. No one left the screen.